fatigué, pas comme mon bébé. Aïe, mais je ne me j'en veux le vrai. Mais t'as l'air de mon vrai, la carbone qu'on a diminué. Mais t'as l'air de mon vrai, que la bonne qu'on a diminué. Mais t'as l'air de mon vrai, que la bonne qu'on a diminué. I'm gonna go get some more. I'm gonna go get some more.